Bonjour, mesdames et messieurs, ici Mario Dumont. Restez avec nous. Ce soir au Téléjournal, nous recevons une humoriste Justine, suivie par un petit truc écologique d'un environnementaliste. Ensuite, nous recevons les deux Ette, Marette et Justette pour nous lire un conte. Restez avec nous. Bonjour, Justine. Bonjour. Alors, vous pouvez-tu en finir avec votre blague? Là, on n'a pas toute la journée, nous. J'attends de me faire payer. Ouais. Alors, voici une blague que je trouve particulièrement drôle. Vous prétendez que vous n'avez qu'un frère, déclare un juge pas très futé, d'un air soupçonneux. Et pourtant, votre sœur a dit qu'elle en avait deux. Merci, madame. Vous pouvez arrêter de rire, là. Bon, on continue avec l'émission, là. Maintenant, bonjour, monsieur. C'était Justine en direct Washington. N'importe où, je m'en rappelle plus. On s'en fout. Maintenant, on passe au prochain. L'environnementaliste qui va nous dire un petit truc écologique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous pouvez nous dire votre petit truc, là? Oui, eh bien, il y a un truc qui s'appelle le truc des 3 R. Eh bien, c'est pour recycler, réutiliser et réduire. Vous savez tous ce qu'est recycler, vous savez tous pourquoi il faut réutiliser. Alors, c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler de réduire. C'est bien beau de recycler et de réutiliser plein de choses, mais il faut aussi réduire notre consommation. À place d'acheter 5 boîtes séparées de jus, vous pouvez, de petits jus en carton, vous pouvez en acheter une grosse avec 12 dedans. C'est bien plus facile et ça utilise moins de carton. Dépassez-vous, de plastique. Monsieur. Oui, désolé. De plastique pour les emballer. Alors, c'est ça, mon truc écologique que je voulais vous dire. Bon, merci. C'est quoi votre nom encore, monsieur? Justin. C'était Justin en direct de Paris. Au revoir, Justin. Au revoir. Bon, maintenant, on passe à l'histoire que j'ai dit 2 millions de fois que je voulais vraiment pas qu'on fasse. Sauf qu'il me paye plus cher pour qu'on fasse. Alors, l'argent, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Bon, et si Marette et Justette qui vont nous conter l'histoire. Bonjour, les têtes. Bonjour! Hello! Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire comme super fun. Je sais, hein? On commence. C'est comme, l'histoire de comme Jack et la Rico Magique. Arrêtez vos comme genre, là. On veut juste raconter l'histoire, nous. Ouais. Fait que c'était, Jacques, mais comme, c'est comme Kevin. C'est bien mieux Kevin, là. Fait que nous, on l'appelle Kevin. Ouais, pis il était comme super hot, là, tu sais, genre, là. Je sais! En tout cas, pis là, Kevin, il vivait comme dans le futur, là, complètement. Puis Kevin, il vivait avec sa mère. Ouais, puis il était pauvre. Fait que là, comme, il voulait acheter un cochon parce que quelqu'un leur avait dit que ça produisait de la viande. Mais eux, comme, genre, dans le futur, tout était tellement, genre, facile que... Il était tellement pas intelligent, en plus. Il pensait que le cochon allait pondre de la viande. Ouais, mais après 2 ans, ils ont vu que comme il n'y avait rien produit encore, fait comme genre, ils ont décidé de le vendre. Fait que là, la mère, elle a dit à Kevin d'aller vendre les cochons pour qu'elle puisse acheter comme un moteur pour comme son nouveau vaisseau qu'elle avait eu. Dégrouillé! Ah, on sait! Bon. Fait que là, ouais. Fait qu'il allait vendre le cochon un jour, puis là, il y avait un vieux monsieur. Puis là, le vieux monsieur lui a dit... Mon petit, j'ai 5 batteries magiques à te donner. Et c'est ça que je te donne pour avoir ce petit cochon. Et lui a dit? Ouais, ok, je le prends, c'est sûr. Fait que là, il est retourné chez lui. Mais le pauvre, sa mère l'a pas cru que les batteries étaient magiques. Fait qu'elle les a pitchées dehors. Puis lui, il a fallu qu'elle aille dans sa chambre. Oh, lui, il avait 15 ans, puis il voulait qu'elle aille dans sa chambre pour punition. Je sais. Fait que là, pendant la nuit, les batteries, genre, ils ont comme fait une ascenseur jusqu'au ciel, genre, là. Ouais. Puis là, comme lui, le matin, genre, il a vu ça. Puis comme, genre, « Dépêchez-vous, j'attends de me faire payer, moi! » Ah, OK. Bon. Comme, laisse-nous parler. Ouais. Bon. Fait que là, il est comme sorti dehors, genre, là. Puis là, il voulait comme dire ça à sa mère, sauf qu'elle était en train de dormir. Puis là, il voulait pas la réveiller, parce que sinon, elle serait comme super fâchée, là. Fait que là, il est rentré dans l'ascenseur, et il a pesé sur le bouton « ciel ». Ouais, pis là, il est monté comme jusqu'au ciel, pis comme au-dessus des nuages, pis c'était comme super beau, tu sais, genre là. Pis comme là, après ça, l'ascenseur s'est arrêté. Fait que là, il est sorti, pis il a vu qu'il pouvait marcher sur les nuages, pis c'est comme super comme wow, genre là. Wow, c'est cool, ici! Ah! Ouais, fait que là, après ça, au loin, il voyait une petite maison. Fait que là, il se disait que peut-être qu'il pourrait aller là pour comme se renseigner sur la ville des nuages, là. Fait que là, il est comme genre allé à la maison, puis là, il cognait à la porte, genre. Oui, bonjour. Salut, je voudrais comme me renseigner, genre, parce que, tu sais, c'est on peut marcher sur des nuages, c'est comme vraiment bizarre, puis en plus, c'est super. Enfin, vous avez-tu de la nourriture à me donner? Vous êtes quelqu'un qui vient du monde d'en bas? Oui, duh. Oh, entrez. Bon, fait que... Y a-t-il de la bouffe, ici? Oui, tenez. Fait que là, genre, pendant qu'il prenait le thé, genre, là, comme... Elle lui a dit qu'il était marié à un gars, mais que le gars était devenu super grincheux, parce que, comme, il avait comme pas d'amis, genre, là, pis il était tout seul tout le temps, pis tout ça. Pauvre gars, même s'il était vieux, là, c'est comme pas grave, il avait pas d'amis. Qui a pas d'amis? Ouais, hein? Mais là, le grincheux était comme pour arriver, fait que là, la mère, la femme, je veux dire, elle a dit au gars, à Kevin, de se cacher dans un coffre. Fait que là, il s'est caché, puis là, le grincheux, il est arrivé. Puis là, dans le coffre, il y avait comme plein de pièces d'or. Fait que là, Kevin, il a comme genre eu l'idée de les prendre, là. Sauf que là, juste avant qu'il les prenne puis qu'il s'en aille, il a entendu le pauvre petit monsieur grincheux en train de pleurer. Oh, ma vie est tellement malheureuse. Je connais personne dans ce monde de dans cette ville de nuages. Et en plus, tout le monde me déteste. Et en plus, je suis tellement... pauvre moi. Oh, j'ai pas d'amis. Si seulement... Il y a juste toi, ma femme, qui est toujours avec moi. Et je sais que tu commences à t'aimer de moi. Alors bientôt, tu vas divorcer. Et là, je vais être tout seul. Oh! Hey, monsieur, tu sais... Il a comme dit Kevin en sortant du coffre, le genre. Tu sais, pourquoi vous êtes tellement malheureux? C'est sûr, tout le monde a des amis dans le monde. Oh, mais tout le monde me déteste ici. Ils me trouvent tout trop grincheux. Et t'es qui, toi, juste? Ben, je suis comme... C'est un garçon du monde d'en bas qui est venu et il a pris le thé. Ouais. Tu sais, pourquoi vous êtes tellement malheureux si j'ai vu dans votre coffre que vous étiez comme super riche? L'argent ne fait pas le bonheur, mon petit. En fait, c'est l'amitié, le vrai trésor du monde. Et l'amour. Oh, j'avais jamais réalisé ça, tu sais. Pauvre Kevin! En tout cas, fait que là, à chaque jour, le Kevin, il revenait toujours aller voir le monsieur grincheux parce que, tu sais, comme, il voulait devenir son ami parce que Kevin n'avait pas beaucoup d'amis. Puis le pauvre grincheux, il avait zéro ami. Fait que là, ils sont comme, genre, devenus des meilleurs amis. BFF! Fait que là, genre, ben là, c'était un matin. Puis là, comme... Et Kevin, il a vu dans l'ascenseur que c'était comme la dernière fois qu'il pourrait y aller parce que comme les batteries comme devenaient faibles, genre là. Ouais, comme genre. Oh, dépêchez-vous à la fin du monde quand même! Ok. En tout cas. Bon. Fait que là, comme on disait, il est monté en haut, Puis là, il a dit, oh, j'ai cru être sûr que c'était la dernière fois qu'elle allait venir. Quoi? Tu vas me laisser tout seul? Mais je veux pas, tu sais, sauf que comme... c'est dans l'ascenseur qui monte au ciel, ben ça dit que c'est la dernière journée que je peux venir. Fait que tu sais, j'ai comme un super cool plan, moi. Vous pouvez comme apporter toutes vos affaires puis déménager avec votre femme. Comme ça, vous pourrez venir vivre à côté de nous puis on serait comme des meilleurs amis, tu sais. Dans le monde d'en bas? Mais oui, tout le monde vous aimerait là-bas. C'est, tout le monde est fin en dessous. Oh, d'accord, on va y aller, d'accord, chérie? D'accord. Alors, comme genre, il descendit, pis là, il vécu en bas. Pis ils ont genre été super heureux pour le reste de leur vie! Comme d'habitude! Ouais! Bon, merci. Est-ce que l'histoire a fini pour la fin? Oui! Oh! Mon doux! Bon, est-ce qu'on peut couper leur communication, s'il vous plaît? Pas encore, là! Bon, alors, finalement, l'histoire a fini. C'était les têtes Marette et Justette en direct du Québec. C'est sûr, quand même, qu'ils parlent comme ça. Bon, alors, maintenant, l'humoriste Justine va revenir pour deuxième affaire drôle. Comment on appelle ça encore? Ah oui, une... blague, je pense, ouin. Bonjour, je suis de retour. Alors, ma deuxième blague est super, encore plus drôle que la première. Alors, que font les fous quand il fait froid? Ils s'assient autour d'une chandelle. Que font les fous quand il fait très froid? Ils allument la chandelle! Bon, madame, là, t'as assez ri, là. Merci d'avoir coupé sa communication, ça devenait énervant. Bon, alors, mesdames et messieurs, vous pouvez nous écouter sur l'internet si vous n'êtes pas en train de regarder à la télé. Eh ben, c'était le téléjournal de 19h30. C'était Mario Dumont, en direct de Barrie, Ontario. Au revoir, mesdames et messieurs. Peux-tu me faire payer, là?